頑張ってみて。 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته chers frères et sœurs comme à chaque fois nous rappelons nous-mêmes pour un celui qui n'a iman l'y connaît qui est un alif l'y connaît qui est un ayah l'y connaît qui est un hadith même si, comment nous dire, il n'est pas resté servili. Mais de nous dire, nous guettons comme une connaissance qu'il nous gagne. Si nous guettons de dire l'islam, chers frères et sœurs, c'est l'action de faire des efforts afin d'acquérir la connaissance, sa action la même n'a pas l'air de nous dire. Ensuite, connaissance là. Ensuite, dit moun qui mémorise l'île. Ensuite, quand il met en pratique. Ensuite, quand il propage. Il ne vient pas étape ça. Il ne vient pas étape. Ça dépend pour acheter sa connaissance concernant l'île. Allah subhanahu wa ta'ala. L'idée ça est une action noble de sa dîme. Chers frères et sœurs, on finit déjà j'ai comme rappel pour à chaque fois qu'on apprend la connaissance, nous connaît, pas nécessairement juste dans lundi, mais dans n'importe qui place neutre avec n'importe qui s'en a, comme on peut assiser pour nous apprendre concernant Modine, connaissez meilleure place qui est capable d'exister dans la terre là. Meilleure place qui est capable d'exister dans la terre là. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te demande ban ange be kod zot sorti ka ban na fin don kod zot fin ale ki zot fin tende à la fin quand sa ange la fin dit oh Allah un tel fin vin de sa place là li pas fin vin pour écoute la, pour prendre la connaissance mais oh Allah li vin zis la kod li fin zé en dimoun na don be dje li ti bizé en kit chose de dunya Allah subhanahu wa ta'ala dit tel kal julasa la yaskor jari sa houm. Sa qualité place à ce sujet-là, un week-end qui vient avec ce papier, dit ça. Mais dire, même si Dimouna, il vient de l'autre, mais seulement il a participé un petit guide là-dedans. Il gagne pour nous, Allah subhanahu wa ta'ala. Il gagne protection contre Dieu fait l'enfer. Il gagne la bonne nouvelle qui lui brinde. Tout ça là, un week-end qui, jamais sur l'idée, c'était pour venir apprendre. Donc, de là, nous trouvons, chers frères et sœurs, qui, l'importance de la connaissance dans nos dînes, c'est pas quand du monde là demain il reste connu, il mémorise. Non, ça c'est faux. La même dans nos dînes, il n'a pas lire. Quand nous guettons la connaissance, chers frères et sœurs, nous venons avec lui dans sa dunia qui nous peut vivre. Si nous guettons ça qui nous peut faire, au fait, il est contraire de ça qui nous peut vivre. Qui nous veut retirer pour ça? Nous vous trouvons qu'il y a une grande conférence pour guetter comment protéger sa dunia là. Grande conférence. Comment vous faire le côté écologie, le côté de l'environnement. Alhamdulillah. Mais seulement nous, ça qui nous fait apprendre, qui bande petite chose fait nous connaître sa dunia là, c'est fini. Les contraintes de ça qui bande nous fait apprendre. Qu'est-ce que nous fait apprendre pour aujourd'hui? Nous fait apprendre qui bande si Allah subhanahu wa ta'ala qui bande si Rasul sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il s'avine une conviction de nous-mêmes. Nous, s'il y a des petites choses là, ça les mouna qui a fini ça. Protégez-vous comme vous voulez, l'hypial fini. Oui, chers frères et sœurs, quand nous guettons sa personne qui finit causer là, quand nous pétions sa personne qui finit causer là, en d'autres, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les bons, à chaque fois que nous tannons ban hadith, et tu as tout le ban prédiction, c'est-à-dire ban petite chose qui pourrait arriver dans le futur, quand nous guide de ce circonstance, de ce l'époque, est-ce qu'il y a dans ça ban petite chose là? Il y a quelque chose là dans pas exister. Il y a quelque chose là dans pas exister. Mais seulement les fins d'y aller, qui, à cette époque-là, pour quelqu'un de penser les bien loin. Mais seulement de nos jours, nous vivons les. Chers frères, c'est que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, l'osa qui nous a arrêté la dernière fois, quand il peut dire dans le hadith qui trouve dans Mousnad Ahmad, rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Baina yadei sara, connais jour qu'il y en a connais à sara, l'air bien approché. Baina yadei. Baina veut dire entre yadei, c'est une de bonnes expressions en arabe qui nous servit pour nous dire l'idée devant là. Comme Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître dans surah Saf, quand Isa alayhi salam fait cause de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Baina yadei, devant moi, pour y un prophète pour venir ce mouhou Ahmad. Baina yadei sa'a. Veut dire ban action qui vini comme on y finit jour qiyama. Comment ça ban action là fini prend place connaît jour qiyama après lui. Première petite chose que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit à chers frères et sœurs, comment nous dire l'impossible parmi ban si et na qui ban péché. Et na parmi ban si c'est pas ban péché mais seulement c'est ban petite chose qui nous peut vivre à dire. Car Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit تسليم الخاصة تسليم الخاصة خاصة بديه ان كيكن دي particulier ان كيكن سبيسيفيك تسليم السلام السلام عليكم تسليم الخاصة en deux mots nous pouvons faire salam certains dimoni spécifiquement. Et donc, qui l'époque l'époque comme ça là? Connais qui l'époque l'époque comme ça? L'époque comme ça, en l'époque, quand des sahabas peuvent morcer, en pied c'est pas aux autres, comment j'ai besoin de faire? Je fais salam. De ça l'époque là, l'époque comme ça là. L'époque dit, pour arriver en l'époque, quand l'immédiat général, veut dire, pas juste ça, dit mon l'autre, mais là. Imam, c'est pareil là. Tant jour, on peut croire qu'on peut tant ça, non, ça l'est, moi, imam, là, va là-dedans, en bas, là. Par quoi ça? Hein? Parce qu'il nous l'a pour mettre le message devant vous. Pas qu'on lit, j'ai fait là-dedans, pas là-dedans. Ne tout donne fait le bateau là. Ça qui est divan, ça qui est à laurier, ça qui est en bas de. Tout dans le même bateau là. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire ça, chers frères et sœurs, pour ne pas vous penser qu'il y a un tel pas là-dedans, un tel pas là-dedans. Non. Nous, ça qui est avec nous, c'est qui? Est-ce qu'il moi, mon là-dedans? C'est tout. Parce que ça n'a pas besoin sauf quand tu fais l'empire. C'est moi. Chers frères et sœurs, première petite chose que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire à moi, elle est en mon guetté, ya Rasoulallah, 1400 ans, tu peux dire quelque chose qui a dit, moi-même, je peux faire lui, ya Rasoulallah, moi-même, je peux faire lui. Moi, je peux faire lui, ya Rasoulallah. Combien de monde nous passons, chers frères et sœurs, nous connaissons un croyant. Mais seulement, est-ce qu'il m'aurait dit faire lui salam? Quelle que soit la raison. Est-ce qu'il m'aurait dit faire lui salam? Mais seulement quand on me trouve un quelqu'un, salam, depuis qu'il est loin, je finis par faire du salam. Salam après au moins, depuis qu'il est, je ne peux pas faire du salam. Combien de fois on trouve ça? Combien de fois on fait lui? Est-ce qu'il y a un seul pasteur? Il de sa place qui nous fait vivre là. Billet Maurice, de sa place qui nous fait vivre là, juste dans la capitale. Combien de fois ça que son âme fait passer par Zou là? Mais si nous prenons de Maurice, combien de fois? Mais si nous prenons de surface la terre? Combien de fois ça que je suis en train de nous clair? Nous faisons salam 10, ça qui demain 10 contre moi. Vous faites salam 10, ça qui demain me connaît un coup de tension, un coup de fait, besoin de service avec lui. Vous faites salam 10, ban qui demain l'avantage, c'est tout. Mais les restes, si je suis capable de créer moi à droite, correct ça. Même pour mes bandes sœurs, même pour mes bandes madame. Comme il m'a fini de ma vie de la 6e, il est salam alaikum. Il est comme ça, à côté, on dit ça. Salam alaikum, on a dit qu'on a mis un gâteau, ça. De nous dire, salam alaikum. Doucement, fallait-il tellement me faire où, salam. Combien comme ça? Qui nous peut faire, chers frères? Qui nous peut faire? Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, un de ban action qu'il est fortement recommandé, oui, il mérite d'explication, hadith qui trouve dans le Tirmidhi, il dit qu'il est un parmi eux quand il rentre dans ma zid, qu'il y fait salam. Qu'il y fait salam. Dans n'importe qui m'a dit. De n'importe qui m'a dit qu'on nous rentrait, nous faire salam. Oui, nous pas fait dire à haute voix, mais à ce qu'on devait rentrer salam alaykoum. Au moins, me connais moi, au fond de moi, tout ça va nous salir qui est là, mon fili fait ce salam ou non. Dès que nous avons de travail, quand vous gagnez, vous faites zohar aussi. Mais seulement l'état m'a dit, est-ce qu'il m'a réussi à faire ça, m'a dit la salam? On va faire les. On va réussir à faire les. Mais seulement comme on peut mettre vos souliers à la fin, quand on va dire, aïe, salam alaikum, qui m'a dit? Mais qui m'a réussi à l'os? Là, nous prenons ça, routine la vie. Livrer l'état m'a dit. Ça va, là, m'a connu. Mais ça qui est à côté, on dit là, pas l'homme qui fait que vous dans un moment, fait la marche là. Pas l'homme ça. Ça n'a rien, ça qui peut mettre lui à côté, on dit. Ça m'a dit, et puis ça m'a resté là, mais là, on dit même, on risque aux oliers, ça qui est à droite là, fini, on va connaître. Comme il faut nous vivre, ça, cher frère. Ça, c'est premier qui est le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et vous connaissez qui est plus drôle là-dedans? C'est quand sa prophète l'a dit, ça dit là, il est drôle, et il pourrait tout. Il pourrait tout drôle. Vous connaissez quand il drôle, si mon frère dit salam, salam alaykoum, et mon frère, on a fini la révision dans les vies, tout salam comme ça. Ben, comment se trouve drôle à faire? Mais je commence à trouver drôle. Si tant il y a quelque chose qui est connu, nous fait salam, c'est ça qui? C'est ça qui nous connaît. C'est la première quelque chose que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit. Et déjà, lorsque qui nous a terminé, c'est même passé, chers frères et sœurs, c'est quand il dit « Wafash ut tijara, ifsha ». Ifsha veut dire « fani ». Veut dire quelque chose quand « fani ». Et qui a été « fani » Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam rentre dans Madina, parmi les premiers conseils qu'il lui donne, les Ansar, les Jazut, Afshu Salam, Fan Salam. Veut dire, c'est une petite chose qui, pour faner partout là. Qui le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, Fashu, At-Tijara, business. Tijara, commerce. Commerce pour faner. Vous connaissez qui veut dire là? Vous connaissez ce prophète là qui veut dire là? Les pécots, ça qui aujourd'hui nous peut vivre, nous peut guetter, mais laquelle ticket plus beau bossé, émérite ça ou bien émérite chose là. Parce que si vous guettez d'une famille, vous posez une question aujourd'hui, combien pour monsieur, pourquoi la signe pour business? Combien? D'une famille, prends-lui le nom là. Combien pour faire ça là? Attention, nous dire bien, nous ne pas faire des cinq qui ne sont pas gagnés droit là. Quand arrive le péché, là nous connaissons ça c'est un péché. Ou bien Inch'Allah nous rappelle. Mais là, il n'y a aucune relation avec le péché là. Mais seulement l'état nous guetter, ça coïncide et il y a quelqu'un qui est concerné dans le commerce, c'est oui non. Il y a quelqu'un qui est concerné dans le commerce. Il y a quelqu'un qui est concerné dans le commerce. Parce que sa personne qui peut dire nous sa parole là, dans son époque, quand il peut dire ça, tient un commerce. Mais seulement ça coïncide, c'est un berger. C'est tout de suite de partir. Ça mouton. Avec ça que je t'ai dit. Donc, pour atteindre qui, pour arriver à l'époque, que dans ça que la case pour un commerçant, il est bien loin. Mais seulement en tant qu'un prophète qui vient de dire oui non. Azodi qui nous veut trouver, chez frère. Vous connaissez qui est plus drôle là-dedans? Il n'est pas terminé dans sa prophète là. Il dit Hatta toucha rikul mar azodi ha fit tijara. Jusqu'à ce que sa madame là vini, il vient un partenaire avec son monsieur dans le business là. Hatta, jusqu'à. Veut dire à qui point commerce là pour travail? À qui point travail là pour faner? Bah il a n'est plus rien à raconter l'éternité. Qui s'en a qui commence à donner coup de main? Celui oui. Comment je vais dans ça, moi, là? Hatta, toucha, rikul mar'a, zaoudiha, l'ittijara. Jusqu'à ce que ce propre madame commande, nous dire bien, chers frères et sœurs, à chaque fois nous pouvons préciser, ça ne veut pas dire que mon madame peut aider moi dans le business, c'est une petite chose qui n'est pas bon. Non! Au contraire, comment nous dire, de place pour payer un dimoun? Puis on fait la case même en place. Qu'à cela rester livré. Mais seulement, c'était une petite chose qui, quand nous guette l'année 80-90, est-ce que madame là, tu peux rendre le business? Quand nous guettons nous maman, nous papa, nous nani, est-ce que maintenant tu veux dire le business? Pourtant la case tu veux rouler, oui non? La case a roulé? Parce que c'est un businessman, c'est l'époque là. Mais, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui amène pour lui dire, est-ce quand même madame là rend le business à se dire? Est-ce quand même qu'il rend le business? Yusharik, C'est un mot qui, quand nous tient ban l'aide, c'est ça même qui vient shirk. Quand nous veut dire shirk, ici, pas shirk association avec Allah subhanahu wa ta'ala, non. Shirk veut dire un participant, un partenaire. C'est pour ça d'ordine, nous appelons une compagnie sharika. Sharika. Parce qu'il y a plusieurs partenaires qui viennent ensemble, il faut une compagnie. En deux mots de business, là, pour une qui ça n'a pas. Vous voyez comment je comprends que vous m'avez dit le business là pour l'immorcer là, peine à 10. À soi, vous direz, madame, balance compte pour dormir toujours. Non. Lévez, parce qu'il profite là, pas des fois, t'as un moi, toi, maman, t'es madame. Moi, je comprends, il manque un rond, il manque un petit chiffre de moi là. L'une commence à venir, pour tenir de mon business, pour bien couper le transit, parce qu'il profite là, t'es vinandé. Ça qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut finir maintenant au courant là. Pour arriver à l'époque là, est-ce qu'il nous loin pour nous vivre, chers frères? Est-ce qu'il est loin ça qui chose là? Ou bien si tu es trop près avec moi, c'est-à-dire, vous pouvez finir trop vite devant moi. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, chers frères et sœurs, quand il peut dire d'un autre hadith qu'il trouve dans le Nasa'i, rapporté par Amr ibn Tarlab, il dit, inna min ashrati sa'a. Parmi bansin qiyama, en yafshul madu wa yukassir. L'argent pour faner pour beaucoup de sa oumala. Ça pour venir bien beaucoup. Wa tafshut tijara. Et commerce pour venir une chose bien connue. Et commerce, business, pour venir une petite chose bien connue de sa oumala. Imaginez nous rire de pour lui là. De pour lui. Quand nous causons mon sang en bilan, ça qui nous fait causer. Vous avez un gain père d'accord avec vous. Pina non, il y a là. Pina non, il n'y a pas gain droit. Mais seulement, l'État nous guette le ban, ça qui nous appelle un celui qui n'a iman. Plus beaucoup, c'est quoi l'os? Atidjara. Plus beaucoup, nous n'atidjara. Commerce. Et quand nous disons, vous alhamdulillah, de commerce, il a livré. Mais seulement, c'est une fané, oui, non. C'était une première prédiction de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, nous restons dans le monde du commerce. Nous restons dans le monde du commerce. Pour qui, comme on nous dit la semaine passée, alhamdoulilah, quand nous commençons, nous prenons l'avenue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous prenons l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous venons prendre troisième, la conquête de Bayt al-Muqaddas par Omar radiallahu anhu. Nous disons que ces trois-là nous ont menés en trois premiers. Ensuite, il y a encore qui finit venu dans l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nous venons avec lui. Mais, pour un temps d'arrêt, nous prenons un qui est trop vivant avec nous, c'est nous vivre lui. Ensuite, nous prenons un saki qui n'est pas dans l'époque du prophète. Prends ça qui nous peut vivre lui. Si vous prenez le deux, vous prenez mon transport, vous faites un point codé, vous allez, vous montez, première voiture, vous passez à la télé. Pas pour descendre, hein? Continue. Nous arrivons devant, nous gagnons ce pride. Nous continuons à aller, nous gagnons l'autre, et puis MOC. Et nous continuons à aller, nous trouvons l'autre pour venir dans un an de 10 ans. Après, quand la chaîne arrive, vous avez l'autre pour venir tout là. Nous avons combien de kilomètres nous roulons là? Combien nous trouvons comme ça là? Nous rentrons un peu devant le centre de la ville. Nous trouvons. Nous avons aussi le nom de Super-MOC là. Mais seulement combien de Super-MOC nous connaît, donne-nous pour lui. Là, là, et la haine après l'autre. Qu'il y soit pour nous musulman ou bien pour nous musulmans, ça part avec nous là. Nous, ça qui est avec nous, ça qui nous appelle le Super-MOC, et nous allons un après l'autre, comment dire, la formation, c'est oui non. Il est en place là. Nous devons trouver normal. Aïe, les bons objets de compétition, on connaît. Parce que sa quantité qui se fait monter là, nous guettons une côte comme ça nous. C'est vrai. Mais seulement quand Mourad de Hadith qui trouve dans Mousnad Ahmad, quand Abu Hurayra radiallahu anhu dit à moi, la taqou moussara, jour qiyama, papou. Arrivé, hatta, jusqu'à, et ça c'est pas miban. Phrase qui nous restent souvent, parce qu'à chaque fois qu'il retourne, sallallahu alayhi wa sallam, tu peux rappeler ça, tu peux citer ça au commencement, il dit, hatta tataqarabul aswaq, aussi longtemps qu'il bagne asoir. Qui veut dire asoir? Asoir, c'est le pluriel de souk. Souk, qui veut dire? Souk, littéralement, si nous traduisons, il veut dire bazar. Littéralement. Littéralement, si nous traduisons le mot souk, il veut dire bazar. Mais seulement souk, c'est une place que Ndimoun, quand il rentrait, il gagne plusieurs produits qu'il y besoin sur un seul toit. Ça, souk. Souk, c'est une place quand Ndimoun rentrait, il va rentrer dans la boucherie, il gagne la viande. Il va rentrer dans la poterie, il gagne poule. Non. C'est une place, un basic needs, quand Ndimoun a rentré, il gagne tout sa bande produit là, comme ça, sous un seul toit. Ça qui veut dire souk. Juste avant ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit à chef frère, il dit tasaqarab. Regardez, tasaqarab, qu'est-ce qui vient d'une service? Qarraba yuqarribu, veut dire près. Et qu'est-ce façon qu'il l'amène? Il amène le verbe au sixième groupe. Mais quelle différence il fait? Quelle différence il fait? Sa prophète-là, sans aucun doute, il ne va pas servir aucun mot. Excepté de la place qu'il est bizarre. S'il étudie le taqarrub, ok, non, il vient doubler sa tila. Un verbe en arabe, chers frères et sœurs, en passant, nous disons en parenthèse, dans le langage arabe, nous avons 10 groupes verbes qui sont plus connus. Sinon, il y a le 13, ça qui est moins connu. 10 groupes verbes. Chaque groupe verbe, il y a une explication pour lui. Nous prenons seul exemple. Si nous prenons le premier groupe là, ça veut dire trois lettres radicales là, vin normal. Trois lettres radicales là, vin normal. Halima. Halima veut dire apprendre. Ça, le premier groupe. Si nous venons au deuxième groupe, les vin halama. Premier là veut dire apprendre, deuxième là veut dire enseigner. Il changeait. Nous redélis. Nous avons fait arabe là. Non, mais seulement juste pour nous comprendre qu'il y a un shadda dans nos dînes, le verbe est sans signification verbe là. Ralima veut dire connaît. Ralima, ya'lamu. Mais seulement ça même verbe, si vous mettez un shadda le lam là, il vient halama. Halama le Coran, il enseigne pour le Coran. Un amo tu connais, un apé, enseigne-moi. Il fait des quelque chose. Comme ça même si nous allons ça, même verbe, c'est moi nous sens ce groupe, il y a une autre signification. Qarraba yuqarribu veut dire une petite chose qui prie. Taqarrab, le quatrième groupe, il veut dire prie. Tataqarrab veut dire il vient pli prie encore. Le verbe sur le précédent, il déjà veut dire prie. Mais seulement quand on amène le sixième groupe, c'est une exagération. Donc, verbe là. Veut dire, comment nous dire, nous, une exagération de trop présenté. Qu'est-ce que ça l'époque là, le prophète là, finalement ça? Qu'est-ce qu'il servit un seul mot là? Il servit un seul mot, il est amené là, sixième groupe. Qui mot? Il vient amené là, dans sixième groupe, pour mon récit comprend, qui parle là, bah, il parle là, veut dire après. Mais seulement quand il amène là, dans sixième groupe, il fait faire moi connaître qui ça pour une qualité près, qui m'a même moi, pourquoi qui comme ça près? Comme ça, après, qui quelque chose? Al-Aswar. Chef, est-ce qu'il est loin, ça, qu'il nous veut trouver là, là? Qu'est-ce qu'il est loin? Nous pouvons imaginer, nous, un hadith, il n'est pas pour 10 pour nous d'avoir 4 là. Un hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il vient pour sa umma là en entier. Pour sa umma là en entier. Veut dire, nous prenons depuis dans l'Est, nous, en ce cas, dans l'Ouest, ça hadith applique aux autres là. Mais seulement, nous, quand nous prenons l'île en tant qu'un l'île, nous pouvons trouver sa phrase-là, sa parole-là, trop vivant, ya Rasulallah. Je vais trouver un supermarché là, mon marché, moi, le deuxième supermarché là en place. Il est trop près. Ça, à l'époque-là, tu me dis à nous ça? Mais si dans Maurice, c'est comme ça, mais devant les autres pays, j'ai fait. Si dans Maurice, c'est comme ça, dans l'île. Nous pouvons un supermarché, c'est pas une la SAM, ça. C'est pas une la CAS, ça. Combien de places tu peux viser pour pouvoir faire ça? Ça qui peut venir un après l'autre, comment dire, fait salle domino pour jeter un depuis un côté là. Et un l'époque, quand quand on nous pose question, quand on dit souk à cette époque-là, c'était juste à qui? Dans la cité, comme nous connaissons, Bazar Central. À cette époque-là, quand on dit souk, il réfère à ça. Mais seulement quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut expliquer nous souk, il peut réfère à sa place qui nous gagne tout, nous allons bénéficier dans cette place. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, si nous guettons, nous, à Zoudi, il est trop vivant ça qui te veut dire là. Il est trop près de nous, il est trop clair devant nous. Nous pouvons vivre, nous pouvons témoigner. Pas nécessaire, nous allons dire pour lui-même, mais pour lui-même, comment nous pouvons trouver comme ça? Comment nous pouvons trouver comme ça? Chers frères, c'est ce qui nous fait rester comprendre. Ya Rasulallah, ça qui est chose là, tu nous dis aujourd'hui, nous pouvons vivre, mais tout le monde qui est qui te dit là, qu'est-ce qui est livré à l'os? Tout ça, qui est chose qui te fait dire là, qui est livré. Quand le savant explique ce hadith, ça, chers frères, je dis, فقد تقاربت الأسواق من ثلاثة أوجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في جنوب بن بلاس لا ساكن في السوق لا إن في بيان بري دو تروا فاسون ان ساكن في دير في دير زوت بلاس ميم زوت بلاس ميم يفين بيان بري ديجيام لي دير سرعة العلم بما يكون فيها من زيادة السر والنقصان فيتيس qui une personne de ce bazar, veut dire ça qu'il est fréquenté, vitesse qu'il est en dire, l'autre place là, quand il est aussi, qui côté est-il là. De ça, l'époque là, on savait avec ce que ça a dit là, comme ça, hein. Vitesse qui m'a gagné prix, supermarché X, peut vendre plus beau marché qui, ça supermarché qui m'a moins là. Vitesse qui m'a gagné sa prix là. C'est donc, pour montrer quand t'es prêt, je suis prêt à l'os. Ça, c'est les doigts, mon vieux. Il y a quoi m'a fait la gazette, moi ça couille la gazette là. Bien un qui tombe. Bien un qui tombe. Comme arrive mercredi, ça n'a pas plus bon. Comme arrive jeudi, ça qu'est-ce pour ce jour là. Ne nous laisse pour gagner une nouvelle là plus vite nous. Alhamdulillah, il vous donne l'avantage, nous pouvons trancher, nous guetter contre ça, plus bon aussi. Mais en même temps, ça qui peut dire moi. Et alors, Rasulallah, mais quand c'est qu'il se te montre nous comme ça. Dès là que nous pouvons comprendre, quand ça sahaba là, il ne peut pas trouver un oiseau qui allait, quand il dit. Sa prophète là, pas quitte sa dunia là, excepté s'il aime du bien. Dans sa zoazo là, quand il veut battre sur les ailes, sa prophète n'a pas dit non. Zoazo là, puis aller. Un petit soco, puis aller, nous puis attendre du bien, on dit là. Veut dire, même dans sa distance là, s'il aime du bien là-dedans, sa prophète là, il a sa haba là, dit non, sa prophète n'a fini enseigne nous ça. Deuxième, chef pressé, ben savant, explique-lui pas. Connaissance qui nous gagnait, qui tel prix de telle place infinie baissée comparé à ça qui moi aller. Et troisième, lui dire, Mokorabas Bardou Habardan fil Asrar. Saken pour misot, je prie pour bien, je prie, à l'Asrar, prie là. Je prie pour bien, prie, je prends presque le même prix. Get ça pour faire la dévicon, dis ça. Aujourd'hui, moi, dans un point, le map, le monde, je peux vivre parole, sa prophète-là. Chers frères, c'est que nous comparer vraiment. Oui, quand nous venons de dire, deuxième explication, de savant, une place où on ne peut plus bosser. Mais seulement, dit comme ça, le premier paragraphe seul, juste pour attirer l'attention, il met tout le monde qui s'occupe de l'esprit-là. Ensuite, il reste l'article qui est en donnant. Le prix-là comparé avec le qui va arriver. Le prix-là qui va arriver. Ça, c'est parole du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Quand sa personne c'est qui s'en a l'os. Quand sa personne, chers frères, c'est à chaque fois qu'il nous peut prendre un pas par un, ça amène moi pour qu'on. Ya Rasulallah, le carte du monde de société. Oui, sans aucun doute, quand nous finissons dire, c'est une prédiction que sa prophète là finit dire. Ça montre nous plus encore, mais vraiment, tu es un prophète à l'os. Vraiment, ta parole, lui vivant. Vraiment, ta parole, lui vivant. Nous continuons, chers frères, c'est, nous dire bien. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un long hadith, quand nous dit un coup d'arrêt nous prend ça qui nous fait vivre aujourd'hui. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam d'un long hadith, hadith qui nous appelle Jibril, quand nous dit, nous déjà c'est plus lui-même, qui fait des fingers non Jibril, à ce hadith-là, il est connu. Parce que ça joue là, Jibril alayhi salam, fin prend forme, djimoun, ni fin vini. Qui personne ne connaît, c'est Jibril alayhi salam. L'in vini pour poser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, question. L'in vini pour poser question. Et de bonnes questions qu'il lui posait, il dit à lui, il y a Muhammad. Mata sa'a. Ô Muhammad, quand je suis au Qiyama. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, mal mas'oulu bi a'lama min as-sa'il. Il est celui qui me gagne question là. Il y a aucun qui connaît que celui qui me pose question là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam répondit là. Il y a ni mal mas'oulu anha bi a'lama min as-sa'il. Celui qui finit de questionner, il n'y a plus connaît qui toi là. Parce que moi, tu ne pas connais là, les filles ne pas connaît. Comment tu peux dire là? Je peux enseigner nous dire, hein? Je peux enseigner nous dire, de quelle façon? Comment nous connaissons et enseigner nous dire? Parce qu'à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit avec Omar radiallahu anhu, fa innahu jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yu'allimu. Deuxième groupe. Il est venu pour enseigner ce din. Comme on connaît mon dire, alim tout le monde connaît. Pena chadda l'olam là. Mais quand Jibril puis enseigne-moi qui veut dire, yu'allimukum, l'olam là, il prend chadda. Donc, puis enseigne-nous, nous dit, ça prophète là, il veut cause de Jibril alayhi salam, sa façon là. C'est le moment que je suis à croire, je m'oublie, connais qui toi là. T'es estomac connaît seulement. T'es estomac connaît. De là, Jibril alayhi salam, j'ai dit, fa'akhbirni an amaratiha. Bé, fais-moi qu'on ait un peu pour me souvenir de signe à l'os. Fais-moi qu'on ait un peu concernant souvenir de signe. Parce que ban signe là, au Muhammad, tu vous connais. Première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit concernant sa signe là de sa hadith, qui finit vini pour à la fin, les djennous pour enseigner nous dit, première chose, il dit, Antalid al-amata rabbataha. Antalida. Talida. Dérivé du mot walad. Walada. Walada, si nous prenons l'île, walad, nous prenons l'île dans le langage arabe, nous disons garçon, livré. Mais seulement walad, dans son vrai sens, dans le langage arabe, il veut dire tout celui qui ne prend naissance. C'est pour ça qu'un nouveau-né nous appelle l'île, un maouloud. Pas dire maouloud, une nabi. En fait, nous ne connaissons pas l'anglais. Il y a un maouloud côté l'île. Mais au fait qu'il n'a connu, chacun ne prend naissance. Il dit, mais vous connaissez. Il trouve qu'il y a un maouloud, une maouloud. Maouloud, c'est un mot arabe qui veut dire une naissance. Walad, l'Ipa veut dire garçon, Walad veut dire tout ça qui vient de prendre naissance. Talida veut dire donne naissance. Un Talida, Ama. Alif Hamza, Mim Ketamar Mota. Ama qui veut dire. Pareil que moi nous écrire Umma. Pareil, même trois lettres. Mais seulement nous mettons un fatal ou Alif, un fatal ou Mim. Ama. Ama c'est le féminin de Rabd. Rabd veut dire esclave. Esclave. Ama veut dire un esclave, mais seulement il y a une madame. Il y a une madame. Nous ne pouvons pas dire Abdatun. Muslima, Muslimatun. Mais seulement s'il y a un esclave, nous disons Ama. Nous vous trouvons ça dans Surah 2, Surah Al-Baqarah, que Allah subhanahu wa ta'ala dit Wala Amatun, Mu'minatun, Khairun min Mushrikatun, Walau Arjabatkun. Au ban misye, une madame esclave, voilà amatoun, mu'minatoun, qui est na iman, khairoun, li meyer, qui est un mushrika, voilà ou arjabakoum, même si ka te li zori, connaît sa madame esclave qui na iman, na plus valé qui li. Connaît ça qui peut donner sa madame esclave la valé là? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui me crée sa la fille là. Il peut dire moi comme ça, sa madame esclave là. La cause, il y en a iman, il y en a plus valeur que sa madame, non musulman là. Même quand tu es jolie, tu es jolie. Moi, l'étant mouguet, moi, madame là, il n'est pas une esclave là. Mais seulement ça, quand il y a un petit peu pauvre. Qui quand tu es jolie, moi, je l'ai dit. Mais seulement, comme tu as là, il y a un petit peu plus coquette là. Bonjour! Oui, c'est automatique de ce. Mais seulement quand Kalala vini, aïe, pas on est qui gagne, il gagne pas qui. Donc il n'est pas un esclave ça. Donc il n'est pas un esclave ça. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire à moi, esclave, n'a plus valé que celle-là. Alors c'est moi, donc il n'est pas un esclave. Quand il n'a plus valé encore. Qui quand il n'a plus valé. C'est ça un ama. Un ama, c'est un esclave, madame. Antalid al-ama rabbataha, rabba, sur rob. Rob qui veut dire le maître. Nous ne pouvons pas dire rabbil alamin. Rab, c'est un mot arabe qui, oui, yena, pour une signification, mais là-dedans, Rab Bahadi. Rab veut dire le maître, le propriétaire. Joue côte un madame esclave pour donner naissance qui s'en a. Son maître. Et Rasulallah Billah, une action pas normale. Parce que le fait qu'il y ait un esclave, ok, nous comprenons madame là. Il y a un esclave, il y a un propriétaire. Il y a un propriétaire. Le fait qu'il y ait déjà esclave. Dites comment les prophètes n'expliquent nous là. Le fait qu'il y ait déjà esclave. Comment se fait-il acter son maître puis à la connaissance? Comment alors? Ça que le prophète dit à nous là. C'est quand sa madame esclave là, elle donne naissance son maître. En d'autres mots, il y a Rasulallah, mais s'il y a des esclaves, il y a des maîtres, oui non? Il y a des maîtres. Comment se fait-il que sa madame là, il y a un esclave et après il va donner naissance au maître? Tu dis à nous, quand une madame libre, elle donne naissance au maître qui fait libre, il y a un esclave plus devant. Là, ok. Mais là, quand tu peux dire à nous comme ça, qui un esclave, il donne naissance au maître, là, ils sont un peu mal à dire. Là, ils sont un peu mal. Qui fait? Parce qu'il y a Rasulallah, sa boutte là, il va faire recevoir une là. Comment il est capable d'être un esclave? Veut dire, il est un maître là, oui non? Et un esclave, il n'a pas le droit d'être propriétaire. Donc, dit, un esclave n'a pas le droit d'être propriétaire. Un seul propriétaire, il est là. Pas une dièse, c'est pas nous porter d'esclaves là. Pas exister. Donc, combien de propriétaires il faisait là? Un seul. Comment se fait-il qui sa maman là, lui désigne un esclave, un seul propriétaire. Même demain, nous prenons lui, un dimon est un esclave. Demain, lui mort, qui ce garçon qui prend ça, pas pour toi, hein? Pas pour toi, hein? Non, fini, c'est. Soit ton papa, tu veux fini, va ni. C'est pas une petite chose qui dit sorti, comment dire, c'est héritier, il y a l'air, c'est. Mais il y a Rasulallah, lui désigne un esclave. Comment nous gardons, nous, comme, hein? Et puis donner naissance au maître. Ça, c'est parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement, chers frères et sœurs, là, c'est nous retourne avec Moula. Moula, c'est quoi? Esclave. Qui veut dire un esclave? Qui veut dire un esclave? Un esclave, c'est est-ce qu'un qui a senti libre? Un esclave qui a senti libre? La loi dit ni comme suite. La loi dit ni comme suite. C'est pour ça, Durban, condition qui fait un qui ken pas hérite depuis un l'autre. Qui fait un qui ken pas hérite depuis son propre maman, propre papa. Un, si pas même religion avec lui. Un dimoun qui embrasse l'islam, alhamdulillah, son maman, papa, encore non musulman, et ben amour. Lui présente côté notaire. La loi dit, tu n'as pas gagné droit pour ça, tu n'as pas gagné droit pour ça. Ça, un. Mais j'ai bien, chers frères et sœurs, une personne qui embrasse l'islam sur la famille, mashallah, il peut se posséder. Parce qu'il y a l'un qui nous dit ça, hein, pas oublié. Les temps, ils ont dit sur papa un mot, ce ban frère, c'est, oui, on vient de religion musulmane, ok, mais seulement, demain, mardi, les 17, tu as mis une continuité, tu pas. Ok, allez. Ramatel Bonnet, non, Ramatel Bonnet te fait Fajal, quand tu fais Fajal, tu travailles tranquille. Parce qu'il peut te hack là-dedans. Mais puis pour toi, ça se tire. Qui fait? Parce qu'il parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un croyant n'est pas hérite depuis un non-musulman. Ça haine. Des jeunes, al-qatl, touillés. Qui nous veut dire pas touillés? Un qui ken, il touille une autre personne pour lui précipiter l'héritage à Zavin Véli. Une personne, et tout, il y en a l'autre, il connaît quand vous faites la porta, c'est nous pour citer. Pas premier, pas deuxième, mais il y a mon nom là-dedans. Moi là-dedans. Tu ne participes de ce crime-là. Tu n'es pas présumé, tu n'es pas l'agresseur, mais tu fais une partie là-dedans. Et troisième, papa Lain a beaucoup de cas, ses enfants musulmans, mais seulement ses enfants un esclave. Pas un droit de nos enfants. Ses propres enfants, hein? Si ils ont fait un esclave, pas un droit de nous. Qui fait? Parce qu'un esclave, les propriétés, une personne. Tout ça qui sa esclave la possédait, tout, T-O-U-S, koulou, ça qui sa esclave la possédait, les propriétés qui s'en a, sa propriété là. Il va pas pour dire ça. Il va pas posséder non. Quand il dit un esclave, c'est un quelqu'un qui, c'est pour ça qui plie grand martaba qui en dit mon arrivé. C'est quand l'insentili, il arrive, Abdallah, l'insentili, un esclave d'Allah. En d'autres mots, il est en mouguette. Qui m'a possédé? Moi, possède non. Ça qui appelle un esclave. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala lui flatte le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de Quran. Pour qui moli flatte lui? Alhamdulillah illadhi anzala ala rabdihi. L'osso esclave. Subhanalladhi asra bi rabdihi. Tabarakalladhi nazala al furqan ala rabdihi. Allah subhanahu wa ta'ala qu'on flatte le prophète sallallahu alayhi wa sallam yamin sa moula. Qui mot? Le mot rabd, le mot esclave. Le mot esclave. Ô Muhammad, ça c'est plus grand martaba qui est là. C'est quand tu sens toi un esclave d'Allah. Mais Dieu n'est pas possédé de rien. Donc sa personne qui est un esclave là, cher frère et soeur, l'étant en train de dire son maman, papa qui mot là-bas, l'étant donni. Donni ce du bien. Tu es content? Non! Parce qu'il m'a donné ça, ça vient du bien que ça n'a fait. Propriété là. Donc propriété là, pas possède? Pas possède d'un. Ça, c'est un esclave. En d'autres mots, est-ce qu'un esclave possède quelque chose? Il va posséder d'un. Tout ça qu'il a gagné, il faut que ça n'a. Pour son maître. Deuxième, un esclave, est-ce qu'il est libre pour lui faire ça qu'il a envie à faire? Là, nous causons aussi du bien. Il va posséder d'un. Est-ce qu'il est libre pour faire ça qu'il a envie? Il n'est pas libre du tout. Il n'est pas libre du tout. Libre de faire une mission. Qui s'en a pour lui faire quelque chose? Son propriétaire. Définitivement. Libre de son propriétaire. Et troisième, en tant qu'un esclave, libre de mettre au service. Qui s'en a? Son propriétaire. Imagine ça trois quelque chose. Imagine ça trois quelque chose là parce que dans quelques minutes avant de terminer, il faut y aller au moins là. Un esclave, chef frère, il n'est pas possédé non. Quand vous êtes là, vous connaissez ça. Qui est là, ça? Deuxième, il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Il n'est pas capable de faire ce qu'il y a, il n'est pas capable de faire ce qu'il y a. Et troisième, en tant qu'un esclave, il est besoin de mettre dans la disponibilité, ça, ce maître, veut dire qu'il est besoin de servir. Quand on prend ces trois-là, on met ensemble, chers frères et sœurs, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vient amener juste pour lui dire moins comme ça concernant la façon qu'il doit agir avec ton maman. Ça me tient à faire ma comprendre. Façon qu'il doit agir avec mon maman. Ça même tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient dire moi. Aujourd'hui, quand j'ai mon imam, je fais khutba. Aujourd'hui, je suis capable de moi, je m'occupe ma vie. Banna koni mo même mutawali mais seulement net al demande mon maman ou gosso kouma été dans la cave là qui m'ont pas connu là qui m'ont pas connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam pan dieta pour un désobéissant non le fait qu'il c'est une maman ses enfants un moussali ses enfants un pas trop régulier dans son lap, il restait une maman, lui oui non. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous peut causer là, comme une maman, il fier une enfant comme ça. Il n'y a pas sauté le lari de ça, pour fier mon gosse, mon petit fille comme ça. Comme une. Vraiment de sur lequel il a dit ça, il est content. Comme une chef frère. Nous pouvons pas maman là. Hein? Qui fait? Nous reprend première sœur. Nous reprend première. Nous finissons par lier tout au maman là, ça qu'il possédait, oui non. Nous finissons par lier tout avec lui, oui non. Ce bisou qui tient là, tout finit, bande de films finit souvent, puis attendez quand il y a l'instant. La casa, si vous voulez, peut rester, peut guetter là. Si tu veux rester un petit peu trop beaucoup l'année, maman. Parce que nous, on a projet. Nos enfants peuvent grandir, nous faisons quoi, nous sommes ça la semble qu'il devait rester là. Enfin, nous faisons du one, inchallah, pour moi. Nous connaissons que nous devons redmine pour ça là. Parce que les enfants peuvent grandir, nous pouvons encore la femme et maman qu'on l'aime. Veux dire de nous guetter propriété, maman là, il vient une propriété qui s'en a. Ce propre enfant là, ce robe, ce propriété. Deuxième, comme ni dans la case maman là, dans la case maman, c'est hein, qu'il a sorti de là. Parce qu'il ne peut pas qu'on vienne une propriété tant que maman là pas mort. combien dans la case maman là comme maman là finit faire ça nous venons dresser la gauzoli mais qui s'en a une de toi faire ça t'en demandé avant souvent dans la de la case tu t'es demandé ah ben c'est esclaves qui vivent comme ça esclaves qui vivent comme ça les bisous demandé avant de faire quelque chose c'est pas esclaves qui vivent comme ça ne pas faire des esclaves chers frères comment maman peut vivre ça là comment maman peut ne pas faire cause bâtil hein. Non, non, ça, une autre étape là. Nous pouvons causer le Muhammad là. Façon qu'il nous agit avec maman là. Ça même tout. Combien, quand maman là finit faire une petite chose, tape la table, et que ça qui nous dit, toi, fais ça, tu nous demandais avant. Qui maman là pourra faire ça? Il pourra dire quelque chose là? Troisième. Chers frères, c'est l'état nous guette nous. Quand tu es capable d'une fatiguée journée, Noko et la courage pour dire sa maman 70 ans là. Ma amine cinq fois. Souvent, on a un courage là. Toko et sa courage pour dire ça là. Sa maman qui a aujourd'hui, tu peux dire ça là. Tu peux croire la cause du mort courage d'une amine toi. Mais c'est le mort courage. Comment tu peux le faire, malin? Mais ce courage, quand tu montres, toi, il y a un courage sa maman là. Ce courage, c'est pas l'infel la cause, pas le récit, mais ça attend en toi. Ce courage, c'est pendant 9 mois l'intimité de ce ventre. Mais quand tu es douloureux, ça, tu n'as pas pour te dormir pendant combien la nuit. Ça, c'est ce courage qui t'était. Ça, c'était ce courage. Ce courage, c'est qu'il reste dormi droit. Il n'est pas capable de vivre à droite ou à gauche. L'intimité, ça. Et vous connaissez quoi de beauté ce courage était? C'est jamais l'indier comment l'in souffrir pour lui gagner moi. Il n'y a pas comme ma bande qui vient, moi je connais qui m'a fait le foie là, je fais ça. Zamin, quel ce courage qui était dit. Nous nous venons montrer nos courages. Viens maman Zamin y montrer. Chers frères, c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous dans la hadith là. Quand il peut dire, wa antalid al amata rabbataha, quand tu peux trouver sa amala, sa madame esclave là, lui donne naissance au maître. De lier ça, il vient à mettre une comparaison là. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vient mettre nous maman devant nous. Ensuite, il peut dire, moi comme ça, de quelle façon qu'il doit agir avec sa maman là. Aime, est-ce qu'il te retrouve pour cette petite chose de la terre, ou bien que tu peux te retrouver au genre qui est un peu dans la terre là, qui t'attendit tout pour lui là. Tout pour lui, ça, ton maman ça. Déjà, combien de fois tu me dresses la gauche avec lui parce qu'il me fait une petite chose qui t'es pas content et que tu attends qu'il lui demande toi avant de faire ça. Mais qui tu étais toi? Qui tu étais toi pour maman là besoin de demander toi avant de faire ça? Qui tu étais? Et troisième, c'est Salaza, ton couple et fait du travail avec toi. Salaza, chef. Salaza, ton couple et fait du travail avec toi. Ça qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, premier film, qui ne répond. Chers frères, nous disons bien, nous ne pouvons pas cause le valet à maman. Mais là, nous pouvons cause la souffrance maman qui peut passer dans le là, mais moi, imam. Moi qui occupe ma zid, moi qui fais 5 namas par jour. Moi qui, quand il y a un programme pour dîner, ou trouve-moi devant. Est-ce qu'il me fera moi compte, sa maman là, comme il est face au léquier, il me fait mal. Pour nous terminer pour aujourd'hui, chers frères et sœurs, dis pour nous réfléchir à ce qui a fait le qui est une maman quand il fait mal. Parce qu'il nous touche là, soit maman ou là, soit maman est là. Mais nous présence une maman obligée pour nous là aujourd'hui. Parce qu'il fait tout le temps, on finit la tendance, quand on finit, dresse la gauche, aujourd'hui, on fait. Tamam! Moi, je ne coupe pas refaire ça, hein, moi, oui, c'est allez, qui devons manger là. Parce que quand on est pas du bien, on est incorrect à moi. Oui, trop mal dormi à Ramsé. Moi, j'ai un tracas, sa façon qui m'a fait dresser la gauze là. Est-ce qu'il m'a dit que je resterai face à ça? Chers frères et sœurs, c'est hadith que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître dans l'époque de Bani Israël. Quand il y a un abid. Un abid. Abid dérivé du mot? Abid. À cette époque-là, appelle une personne un abid. C'est un dimoun qui vraiment, quand vous guettez l'eau la terre, les trouve un qui n'est pas possède non, il est concentré juste dans l'obéissance à Allah. Ça qu'a fait un rabbin. Nous vous trouvons quand on a décrit, quand on veut dire, on veut dire, ban ça avant de décrire ban personne, parmi ban quelque chose, à cette époque-là, je dis, je cite ce nom, ensuite de dire, wahwa rajoulun rabbin. C'est un rabbin, ça. Dans l'époque, tout ban dimoun qui connaît, ça l'obéissance à Allah, mashallah. comme ça. Tu n'as un habit. Connais qu'il vient faire, il arrange une place pour lui faire namaz, le montagne. Mais dès qu'il a envie de couper un petit guide avec la société, juste pour lui garder la tranquillité là. Et de la société, je suis d'accord, parce que je connais que, mashallah, il y a un bon du monde. Chef Ressé, un jour, il donne namaz. Non, non, non, sorry, frère. Un jour, il fait cause avec Allah. Tu comprends? Un jour, il peut prendre quelque chose qui plie noble avec lui, il peut saler la terre devant Allah. Cette action-là, il peut faire. Vous comprenez ce que tu comprends? Un jour, il fait action qui joue Qiyama quand vous trouvez Allah pour faire devant Allah, ça qu'il appelle Sijda. Un jour, il peut faire ça devant Allah. Ça, il peut faire. Ce maman vient taper la poule une fois. Ce maman vient taper la poule deux fois. Ce maman vient taper la poule trois fois, il ne peut pas répondre. Qui tu veux faire? Ça, tu veux causer? Il tire au téléphone. Il tire au téléphone. Il peut causer avec le créateur, ça, l'univers là. Il peut causer avec lui. Ce maman de colère dit qui te paguait de figuer une prostituée avant ton mot. De colère, maman, il dit ça. Il finit. Maman l'a fait. Et puis il fait salam. Maman, tu veux rejoindre moi? Moi, tu veux faire namaz. Oh. Maman, elle retourne là, oui, non? Oh. Mais seulement parce qu'on a qui tient chez eux. Parce qu'on a qui tient chez eux. Mais seulement c'est quand maman là, il n'a tellement pas de rester répondre dans sa lire là. Chers frères et sœurs, après quelques temps, une jeune fille de cet endroit là, de mon sainte, et en votre famille, ben a demandé que ça n'a pas ses enfants là, pour que ça n'a pas, parce que tu ne peux pas mourir toi. Il dit pour ça, rabite là. Il dit pour ça, rabite là. Sans explication, ben attraper, battre et craquer sa place là. Parce que tu viens amener le rabbi dans nous et au fait, tu n'es pas comme ça. Il ne faisait pas dans ce socle là, oui, non. Dès là, il dit, ben non, tu m'as mentionné. Demain, il était en jeu. Ben, j'ai kiffé. Chef frère et soeur, il a fait au zoo. Il débute, il fait des rakas. Il a alors sa petit baba là. Quelques heures éliminées, il a alors dit, il dit, qui ça n'a ton papa? Je vais la causer. Il dit, mon papa, c'est berger. Pas mal d'histoire au domaine du boutin. Hein? C'est ce hadith qui tourne dans ce Sahih Bukhari, c'est troisième enfant qui causait de l'enfance. Après, il réussit à aller salam. Nous avons ces enfants-là, et nous avons des enfants qui citaient de Surah 85, Surah Buruj. Trois enfants de Noudine qui nous causaient de l'enfance. Elle n'a dansé ça. Les temps nous guettent ces enfants-là. Ils nous causaient innocents, Michel-là. Oui, non. Oui, parce que ce peuple vient dans l'Italie, moi, nous arrangeons notre place pour les autres. Non, arrangez comment ils étaient. Arrangez comment ils étaient. Mais si Maninga est batté là, oui non. Il reste qu'il y a une prostituée, oui non. Qui fait ça? Il dit qu'il y a une matzane, il y a pas de mi-temps, moi, là. Qui tu veux faire? Il dit qu'il y a un sujet devant Allah. Mais seulement, il y a sa maman, il y a un mal à ce moment-là. Chef Ressé, s'il y a un mal, il y a un maman qui fait mal, il gagne ses conséquences de dunia. Mais moi qui m'en fais alors? Mais moi qui m'en coupe et fais alors? Mais qui m'a fait attendre pour arriver en plus divin? Qui m'a fait attendre pour arriver en plus divin? Vous connaissez qu'il y a les qui est une maman, chers frères? Vous connaissez qu'il y a les qui est une maman? Si ça, il me bousait, être sûr, ça, quelque chose, ça, pour arriver. Inch'Allah, d'autres semaines, chers frères et sœurs, pour nos dernières rencontres. Ensuite, nous pouvons dire, dans le mois de novembre, qui jour nous vous continuer. Mais dès qu'il a dit, Inch'Allah, nous vous continuer. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.